Ah, c'est fou la roulade. 89. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Yes. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Les chroniques habituelles de Simon Fitzbé et de François Landry. Et Danny Janvier vient nous parler de son projet Bio Bazar. C'est assemblage requis, ça commence maintenant. En effet, c'est assemblage requis pour toi aujourd'hui. On est le jeudi 10 mars. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, François-Olivier. Et on est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Cette merveilleuse journée... De mousse canadienne. De mousse canadienne. C'était la première fois que j'entendais cette expression-là de ma vie. Moi aussi. J'étais très heureux. En fait, ça a mis un sourire dans ma face. Et j'ai répondu au monsieur qui m'a dit ça. Ah oui, et c'est très déplaisant. Voilà. Mais ça m'a pris comme 2-3 secondes avant de comprendre ce que voulait dire mousse canadienne. Ah, tout à fait. Tout à fait. On n'est pas habitué. En fait, j'avais jamais entendu ça, moi non plus. Non, ben, c'est comme Canadian mousse dans ma tête. Ça faisait comme un orignal. C'est quoi mousse en anglais? Qu'est-ce qu'il veut? Mousse dans les cheveux. Il est en train de dire que j'ai les cheveux gras. C'est... Mais bon. Monsieur. Bonjour, cher monsieur, et merci de ne pas écouter C'est fou ce matin alors que je parle contre votre expression Canadian Moose. C'est gentil. Aujourd'hui à l'émission, on a un plan extrêmement chargé. Là. On dit ça chargé des fois et c'est pas vrai du tout. On dit bonne émission, c'est pas vrai du tout non plus. Mais aujourd'hui, c'est vraiment gros. Ça déborde. Ça déborde. Comme la mousse canadienne. Contenu. Oh, et tout à fait. Ça. On accumule. Et voilà. On va avoir vers les 7h30 quelqu'un qui va nous parler de danse. Oui, on reçoit Laurence Accossi. Excusez-moi la prononciation. Laurence Accossi qui est la directrice générale du dance, du Jet Set Even. C'est un événement qui va se passer ici même à Trois-Rivières. Donc, elle va venir nous en parler aux alentours de 7h30. Laurence qui nous parle de la danse. De la danse. Bon. À 7h45, on reçoit Danny Janvier ou Bio Bazar. Hein? On le connaît du dîner de con ici, assez fou, mais son projet musical Bio Bazar est excellent. Et son nouvel album s'appelle Whale's Vagina. Ça, c'est à 7h45. On va le tordre de nos questions. On va essayer de... On va mettre le spotlight dans la face. Yes, sir. Où étiez-vous le soir du 31 décembre 2009? Ensuite, on va avoir à 8h la chronique habituelle de Simon Fitzbé, c'est Phénomène. Aujourd'hui, il continue sa série sur Serge Gainsbourg, deuxième et dernière partie de cette chronique spéciale. Ça va être fort intéressant. Ça va être très bon. Et puis à 8h30, François Landry. Il fait un retour. Oui, un retour. Ah, c'est vrai, il était pas là la semaine passée. Oui, après une semaine de relâche, bien méritée, soit dit en passant. Exactement. Et son sujet de la journée, si on peut se permettre d'en parler. Vas-y donc, ça m'intrigue. Moi aussi, ça m'intrigue vraiment beaucoup. Vraiment, je suis intrigué fois deux, trois. Là. Facebook ne marche jamais. C'est ça le résumé de la chose. Hein? Facebook ne marche jamais. Là, rarement est-ce que je peux aller voir mes messages. Mais bon, sujet d'aujourd'hui, je sais pas. On verra tantôt. J'ai pas le sujet. OK. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Facebook et MySpace, même combat. Hein, ça. Puis, Une campagne électorale à reculons. Bon. Oh! Une campagne électorale à reculons. Ah! C'est dit? Ouais. J'ai hâte de voir. D'accord avec ça? Je sais pas exactement où est-ce qu'il va en venir, là. Mais ça va être aux alentours de 8h30. On va pouvoir en savoir plus. C'est ce qui est sûr. On va commencer l'émission avec la suite de notre spécial d'hier. On essaie de prioriser les artistes québécois aujourd'hui. Yes, sir. Pourquoi pas? Pas nécessairement locaux. Comme hier. Comme hier. Hier, c'était surtout Trois-Rivières. Là, c'est ouais. local au Québec. Exactement. Commençons avec Karim Ouellette sur son album Plume. Voici l'extrait Météor au 89.1 FM. C'est Assemblage requis jusqu'à 9h. Merci donc bien d'être avec nous. Un matin, là. Bande d'orignaux canadiens avec les cheveux gras. Profitez de la mousse. Oui. Un mousseux, peut-être. Un mousseux. Pas ça, là, ouais. Ce soir. OK. Oh, ciel, j'ai vu quelque chose d'étrange qui faisait beaucoup de lumière. Je sais de quoi ça a l'air. Oh, ciel, j'ai vu autre chose qui faisait des mouvements bizarres dans les airs. J'ai besoin d'un dernier verre. Puis qu'est-ce que c'est à l'envers? Puis chérie, il faut que tu me ranges. T'auras jamais pris ta revanche demain. J'ai juré voir des silhouettes dans ma chambre. Me semble, c'est pas dur à comprendre. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Je sais comment ça sonne. Je me tiens mieux quand on me donne la prise. Oh, ciel, une menace venue de l'espace. Tu sais comment ça se passe. Toute la planète est en crise. Je t'aime, j'ai déjà vu quelque chose de même qui se peut. Alléluia, tu sais comment prendre. Toi et ton cœur tendre. On n'a jamais rien vu comme ça. Y'a des mensonges sur les ondes. Pour moi pis mon cœur sombre. Jamais rien entendu de même. slowly. I can touch your whispering voice while you are cuddling my side. I can touch your whispering voice as you say, as you say. La formation québécoise Waving Hand avec Bonne Nuit Mon Cœur à Assemblage Requis. Oui, formation québécoise très très excellente. Vous pouvez télécharger leurs pièces sur wavinghand.blogspot.com, wavinghand.blogspot.com et évidemment aussi myspace.com/wavinghand. On peut les télécharger? On peut les acheter en ligne en les téléchargeant en ligne légalement, de façon légale. Et encourageant la relève musicale. C'est même fait. Tout à fait. Et voilà, et c'est la chose à retenir dans la vie. Je crois que la morale de ces fous, à la fin de la journée où il y a les petits violons qui jouent, qui disent la morale comme dans une sitcom américaine, c'est la musique que vous voulez encourager, que vous aimez, téléchargez-la, mais achetez-la. Achetez-la! Hein, ça paraît pas comme ça, là. C'est du monde qui travaille très très fort et puis qui met du temps et puis qui sait, hein, le temps qu'on met là-dedans, on peut pas le mettre pour soit travailler puis ramasser son argent. Ouais. Donc, et voilà. Voilà. Même si en même temps, je comprends le concept que tu sais la musique que t'achèteras jamais, puis tu sais, bon... T'sais... Ça, je peux le comprendre que vous le disiez comme ça, mais est-ce que vous voulez aimer quelque chose, encouragez-le. Oui, oui, non, c'est ça. Écoute, on ne dit pas non plus d'être plus catholique que le pape, là, dans le non, sens c'est que, difficile à faire. Ouais. Moi, je trouve ça quand même difficile, mettons, d'encourager, mettons, quelqu'un comme Britney Spears, mettons. Oui, mettons. Là. Ouais. Donc ça, moi, payer pour ça, ça devient un peu plus difficile, là, mais bon, tu sais, pour les artistes qui commencent, alors, ouais, si on aime ça, justement, c'est parce qu'on veut qu'ils en refassent d'autres. Oui. Puis aller les voir en spectacle aussi. Oui, tout à fait. Bon point. Très, très bon. Acheter des objets quelconques qu'ils vous offrent là-bas. J'aime bien. Oui, oui, oui. Bon, avant Waving Hand, c'était Karim Ouellet avec son album Plume. Oui. Quoi? Et tu me rappelais, en fait, quelque chose que les gens ne savent peut-être pas nécessairement en écoutant Karim Ouellet, que c'est un ancien du domaine du hip-hop. Oui, tout à fait. Et puis, ça sonne vraiment pas comme étant un rappeur. Zéro bin bar, comme on dit. Zéro bin bar, tout à fait. Tu sais, on sait, les rappeurs, ils se la jouent un peu des fois. Ils se croient un petit peu beaucoup. Ouais, peut-être. Mais là, en fait, écoute ça. Et puis, non, ça reflète pas du tout. Et sa chanson est géniale. Son album, j'espère, est génial aussi. Je devrais peut-être l'écouter au complet. Ça te donne envie, vraiment. Ça donne envie de l'écouter. Très excellent. Oh, ouais, tout à fait. Bon, donc voilà pour ce bloc de francophones. Dans quelques minutes, on va recevoir Laurence, notre amie, pour parler de danse. Oui. Nouvelle amie, en fait, parce qu'on l'a jamais vraiment rencontré. Oui, ben on va être amis dans à peu près 5 minutes. Et amis Facebook dans 10, c'est ça que tu veux dire? Peut-être. Peut-être, on sait pas. Peut-être. Si Facebook marche. Ce qui est rare. Tout à fait. Non, c'est ça. Elle va venir nous parler du Jet Set Event. En fait, c'est un atelier de danse unique à Trois-Rivières, donc qui va se dérouler du 26 au 27. En fait, le 26 et 27 mars 2011, ici même à Trois-Rivières. Donc, restez avec nous. On en parle tantôt. Oui, tout à fait. Mais pour l'instant, on retourne en musique avec notre concept d'artistes locaux ou encore québécois. Et là, c'est un artiste non seulement québécois ni trifluvien, mais en plus dans l'université. Clauk, étudiant nucléaire. Clauk, 3 sur 3, bravo. C'est Johan Stromer. On l'adore, on adore son album. C'est très, très, très, très, très, très bon. Et même que je pèse le nombre de traits que j'ai utilisé ici. Je sais pas si c'était 6 ou 7. Je sais pas. Il en manquait peut-être un. Très, très, très, très, très, très, très, très, très bon. Très, très bon. Bon. Johan Stromer, voici Western Exotique. C'est très bon. Écoutez ça, juste pour voir. Puis dites-moi que c'est pas bon après. Vous avez le droit si vous n'aimez pas. C'est correct. Mais c'est ça. C'est ensemble à Jouer. Oui. C'est fou. 89. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. L'émission construite à partir de matériaux de qualité, Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9h. Malajub et l'extrait Synesthésie, leur prochain album La Caverne qui sort le 19 avril 2011. Il se met à Assemblage requis, donc La Caverne, pièce de l'artiste Malajub ou Malajubi comme je les appelle, parce que je suis anglophone. À temps partiel. À temps partiel, c'est ça. Comme un jujube, des fois j'y mange en anglais. Ça goûte meilleur. En anglais. Sur ce moment inconfortable, vous êtes toujours Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées, en compagnie de François-Olivier Marchand et de Mathieu Plante, le duo matinal qui diffuse sur les ondes de C'est fou. À temps partiel. évidemment. tout à l'heure, on va recevoir Denis Janvier pour parler de son projet Biobazar et l'album Whale's Vagina. J'ai bien hâte d'entendre quelques pièces encore tout à l'heure. On sait que l'extrait Moon Queen, sur le palmarès en ce moment. Tout à fait. Ouais. Mais avant ça, on écoute un petit peu de Radio Radio, un groupe que je sais que Danny adore. Hein, c'est vrai. Est-ce que j'ai dit Radio Radio? Mister Valère. Oh! Mister Valère. Okay, Mister Valère. Qui Mister Valère bon. Aussi, qui aime. Je crois. On pourrait lui demander. Radio Radio, elle, il aime aussi. Ouais. Mettons que là, on est comme mêlés entre les deux. Là. Mais bon. Ah, c'est la couleur des pochettes qui me mêle, moi, là-dedans. Mais bon. Alors, on écoute Mojo Ego tout de suite de l'album Golden Bombay de Mister Valère au 89 FM. C'est Assemblage requis. Les partants héros qui fait dodo, il est assez reposé. Bat-toi contre les mots dans ton écho pour qu'il cesse de te tourmenter. Les partants héros qui fait dodo, il est assez reposé. Bat-toi contre les mots. Don't let go. Oh, he says to Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Tellement bien, c'est l'amour, ce sourire détendu, à compter les étoiles quand nous serons ensemble, amoureux pour la vie, amoureux pour la vie. Pourtant je te connais, mais sous tes survêtements d'intérieur, en coton comme au temps des esclaves, celui que je veux être à partir de maintenant, aujourd'hui et demain, toujours et à jamais. Tant pis pour moi, tant pis pour moi, tant pis pour moi, tant pis pour moi. Cette musique qui te va tellement bien, c'est l'amour, ce sourire interdit qui me hante les nuits, où nous serons ensemble, amoureux pour la vie, amoureux pour la vie. Tant pis pour moi, tant pis pour moi, tant pis pour moi, tant pis pour moi. Surpeuplé, c'est l'amour, ce sourire défendu qui me cherche des poux dans le simple appareil d'une beauté sans pareil, arraché au sommeil. Tant pis pour moi. Le nouvel extrait de Chinatown, Tant pis pour moi, version 45 tours. On a reçu ça sur vinyle et on avoue que ça ne sonne pas du tout vinyle. Grâce... Non, la qualité est excellente. C'est la magie de la technologie et la magie de notre directeur musical, Alain Lefebvre. Merci Alain. Merci à vous. François, Olivier Marchand. Mathieu Plante. C'est toujours Assemblage requis qui se poursuit jusqu'à 9h. Exactement. Et puis, pour l'instant, on reçoit Mme Laurence Akossi. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, merci beaucoup. Oui, en fait, Laurence vient nous parler du Jet Set Even. Oui. Mais c'est quoi le Jet Set Even? Alors, Jet Set Even, c'est une entreprise qui a pour but de promouvoir la relève artistique à Trois-Rivières. Donc, on invite des chorégraphes comme Louam, la chorégraphe de Rihanna, puis le danseur du film Step Up 3D, donc Valentine Norton, que j'ai eu la chance de rencontrer à New York pendant mes formations de danse. Et lui aussi puis, est en 3D, fait intéressant. le gars est en trois dimensions quand tu le rencontres dans la vraie vie aussi. Exactement, c'est quelque chose. Ouais. Tout à fait. Puis, donc voilà, c'est ça, on aimerait faire en sorte que l'événement se propage dans toute la ville, puis que les gens puissent s'inscrire et rencontrer par le biais d'entrevues ou par le biais de stages de danse ou de la soirée VIP nos artistes de la relève. OK, mais là, tu parles de s'inscrire. Les gens s'inscrivent pourquoi? C'est des cours? C'est quoi? C'est un concours? C'est... Alors, c'est un cours de danse. En fait, ce sont des cours de danse qui ont lieu le samedi 26 avril et le 27 mars, 26 et 27 mars 2011 au Centre Alphonse Desjardins. Le but, c'est vraiment de venir se perfectionner en danse pour ceux qui aiment la danse, mais aussi pour ceux qui dansent pas, qui aimeraient rencontrer ces personnalités-là. On organise une soirée VIP le 27 mars. Avec des personnalités comme Terry et Amélie d'Occupation Double. On invite, on a plusieurs invités sur la liste. Mathieu Plante, animateur. Tout à fait. Voilà. Alors, session d'autographe et tout, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc les gens peuvent venir prendre des autographes, des photos, discuter avec eux de la réalité du travail, du milieu artistique, justement. C'est ça, les autographes, les photos, c'est aussi bon pour les chorégraphes, là. Oui. Tout à fait. Donc, comme chorégraphe, il y a Louam. Oui. C'est ça? Exactement. Et puis, Valentine Norton. Exactement. Louam qui travaille en ce moment, d'ailleurs, pour Mademoiselle Lady Gaga. Oh! Alors, c'est ça. On va avoir des nouvelles très prochainement. C'est ça. C'est quand même des personnes de prestige pour Trois-Rivières. Souvent, en fait, on veut peut-être voir ces personnes-là à plus au niveau de Montréal, New York, ce truc-là. J'imagine qu'ils voyagent dans les grandes villes. Mais pour... pour une ville comme Trois-Rivières, en fait, c'est un événement important. Tu peux continuer à nous parler de l'événement. Ça se déroule au Centre Alphonse Desjardins. Tout à fait. Puis, on a vraiment hâte parce qu'on s'est dit qu'on allait faire une soirée VIP donc le 27 mars, puis que les gens pourraient assister en plus à un spectacle artistique. Donc, c'est-à-dire qu'on a des gens de la relève qu'on a fait auditionner, des chanteurs et des danseurs aussi pour animer la soirée. Et donc, c'est ça, on va avoir des jeunes très, très, très talentueux. Il y en a qui ont sorti des albums, il y en a qui dansent dans des troupes importantes sur Montréal, qui font des concours, qui ont gagné beaucoup de concours aussi. Est-ce que tu es là-dedans, toi? Non, moi je fais juste organiser, puis c'est beaucoup. Okay. Parce que tu danses toi aussi? Oui, tout à fait. Je suis professeure de danse et professeure aussi au Collège Marie de l'Incarnation. D'accord. Donc j'enseigne au secondaire 5 les jeunes entreprises et j'enseigne la danse aussi de la première année jusqu'à la sixième année, puis parfois aussi au secondaire. D'accord. Est-ce que ça te gêne si on parle un peu que tu as gagné des prix? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, ben moi, c'est ça, je viens de France. J'ai fait le Conservatoire National de Région. Je suis allée ensuite à Paris, au Supérieur de Paris, pour me performer, donc pendant 9 ans. J'ai étudié la danse. Ensuite de ça, je suis venue étudier l'administration des affaires à l'UQTR. J'ai eu un bac. Je me suis lancée dans une maîtrise à l'Université Laval. Et en parallèle, je continue toujours à enseigner et à donner des cours de danse. Puis finalement, je me suis dit, pourquoi pas, vu que j'enseigne en administration des affaires, pourquoi pas monter une entreprise là-dedans et... Joindre tes deux passions. En fait. Voilà, c'est ça. Donc, c'est devenu mon travail à temps partiel et à temps plein en même temps, puis la danse aussi en parallèle. Donc, ça fait un horaire très chargé. Oui, t'es une fille occupée. Oui, vraiment. Bon, toi, t'as beaucoup de succès avec l'événement Jet Set Heaven qui a lieu les 26 et 27 mars. On rappelle au Centre sportif Alphonse Desjardins, ici même à Trois-Rivières, Laurence Acossi. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. De toujours Assemblage Requis. Tout à l'heure, on reçoit Danny Janvier, Bio Bazar, pour parler de son album le plus récent, Where's Vagina. Mais pour l'instant, on s'en va entendre une de ses pièces. Pourquoi pas, François-Olivier Marchand? Tout à fait. Une pièce. Moon Queen? Moon Queen, l'extrait qui est sur le palmarès en ce moment même au 89 FM. C'est fou. Je la chérirai à jamais. Oh, On peut attendre un peu d'Alice. C'est prêt, toujours prêt. Toujours prêt. C'est le scout des internets. Danny Janvier, Bio Bazar, c'est ce qu'on entendait avec la pièce Moon Queen, qui est sur le palmarès de C'est fou en ce moment même. Danny Janvier est en studio avec moi aujourd'hui, un peu plus tôt que d'habitude. Oui, salut Mathieu, salut François. Salut Danny. Danny qui anime le dîner de con sur l'heure du midi, d'habitude. Ouais. Et encore aujourd'hui. Ben j'espère, là, à moins que je sois bizarre, le boss va le dire. On voulait te remplacer justement par Mathieu Plante. Par Plante. Toi. Ben oui, on m'a dit que c'était beaucoup meilleur. J'ai animé à ta place mardi. Ton environnement, ton émission, c'est pas le même que le mien. Non. J'aime ça. Ah ouais, OK. J'aime ça, animer ton émission, c'est cool. Okay. Fait qu'un jour... C'est toujours bon. Fait qu'un jour, là, laisse pas la place bon, parce bon, que bon. Je m'en prends. Non, tu fais beaucoup mieux le travail que moi, Danny, crois-moi. Bref, t'es pas ici pour parler de ton émission? Non. Non? T'es ici pour parler de ton projet Biobazar? On peut parler ensemble, par exemple. OK, genre... Non, on a oui, tout à fait, Mathieu. Donc, Biobazar, l'album Where's Vagina? Oui, hey, les radios, ils veulent pas entendre ça. Non, faut pas dire ce mot-là. Ah, c'est fou, on est rebelles, hein, François? Ouais, c'est fou, écoute. On pense... peut même le traduire. Varin de baleine! Varin de baleine! C'est un terme animalier et un terme médical qui décrit une partie de l'anatomie. Exactement. Il n'y a rien de vulgaire là-dedans. J'ai pas assez... Ah, je m'en allais dire quelque chose, ça se dira pas. Ah non! Je il y a de bonheur, il y a de bonheur. Ouais, il y a de bonheur un peu. Les gens, le midi. Oui. Avec du Black Tabou et du citron et les chiens de tête. Ouais, j'écoutais ça dans le char, justement, du Black Tabou. Ah, oh, tu nous écoutais pas. Ah, c'est bon à savoir, ça, Danny. Bon. Where's Vagina va être lancé en fin de semaine. Oui et non. C'est pas vraiment le lancement de Where's Vagina. C'est plus le lancement d'un show concept, finalement, que j'ai jamais fait, finalement, parce que d'habitude, je fais Bio Bazar tout seul. Oui, solo. Puis on reprend l'expression, on dirait que je regarde mes emails, là, tu connais ça. Mm-hmm. Je veux dire, de la musique électronique, c'est un peu plus plate à voir d'habitude, mais là, ben, on a décidé de pallier au problème, puis j'ai décidé d'inviter des musiciens pour venir travailler sur mes tracks. Oui, le plus de gens possible qui vont, dans le fond, improviser sur tes pièces. C'est en plein ça, une improvisation un petit peu contrôlée, dans le sens qu'ils ont déjà entendu les pièces. Oui. Mais il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de prévu très, très spécifique. Il n'y a pas des arrangements qui ont été composés exprès pour eux. Ça va être vraiment de l'exploration musicale, mais avec un thème bien stable. Là. Donc, c'est pas de l'expérimentation, c'est pas du noise. Là. On n'est pas au festival de musique actuelle. Même si on les respecte énormément. Oh, oui, tout à fait. C'est pas péjoratif, mais c'est pas de la musique actuelle. Là. Ça va être groovy. Il va avoir une cohérence dans tout ça. J'aimais ça, en fait. Je t'ai lu dans l'hebdo. OK. Félicitations pour ton article. Ça, oui, une belle photo. Oh! Et puis, j'aimais ça parce que t'expliquais que la musique électronique, c'est sûr, c'est un peu froid dans les spectacles. Et je trouvais le comparatif très, très bon. Dans le sens que les musiciens vont venir rajouter pour les personnes, en fait, là, qui veulent assister à un spectacle. Un show! Ouais, c'est ça, exactement. Ben, une performance en tant que telle. Donc, ben, Christian Laflamme, percussion. François Boutin, trompette. Charles-André Lambert, guitare et bass. Et puis moi, ben, je vais m'occuper des machines, mais aussi beaucoup, je vais être occupé par les projections vidéo. Parce qu'on va faire de la projection live, mais on va aussi faire de la captation live pour de l'échantillonnage, dans le fond, sur le champ. Dans le fond, je peux filmer un des musiciens. Je reprends les images, puis je les reprojette. OK, donc, ça va être en direct? Oui, ben, il va y avoir des trucs, c'est sûr, préparés. Oh, il va y avoir aussi des prises en direct. Puis même, je peux aller prendre dans full, je peux aller prendre sur une lumière. Je fais un zoom là-dessus, puis après, je vais m'amuser. Donc, et moi aussi, je vais être en performance. Même si les tracks sont quand même, en gros, c'est pas mal composé. Mais ça sera pas du DJing en tant que tel. Ça va être vraiment un show, là, tu sais. Un show musical pour le monde qui aime la musique. Puis surtout qu'à Trois-Rivières, j'ai jamais eu un show comme ça, c'est sûr, à part je sais pas quoi. Non, mais pour vrai, le seul truc qui pourrait un peu s'approcher, c'est quand DJ Champion est venu, genre, dans Rue Badaud, mais... mon beat est pas pareil. Lui, c'est juste des guitares et sa musique. Nous, on va avoir un côté un peu plus jazz, je pense, pour ce show-là. Le spectacle va être divisé en deux parties avec des plus vieilles pièces et des pièces plus récentes. Ouais, ben, c'est loin d'être ton premier album. Ben non, c'est ça. Je sortais mon 6e réel, 7e si je compte les compilations, tout ça. Mais ben c'est ça. Au début, je vais plus aller faire un genre un retour en arrière pour revenir où je suis rendu là. Puis j'ai des tunes aussi nouvelles, nouvellement composées que j'ai encore fait moins d'arrangements dedans. Pour laisser de la place aux gars. Là. OK. Et là, les gens peuvent se procurer Where's Vagina à l'événement? Oui. Oui. On va s'arranger. Oui. Ouais. Mais sinon, téléchargement, de toute façon. Oui, bandcamp.com, mais c'est biobazar.bandcamp.com. Sinon, biobazar.tv, c'est facile à retenir aussi. Ah, c'est. Oui, ben ton site web qui a plein de choses dessus aussi. Oui, dannyjanvier.com. Oui. En plus. Il y a trop d'adresses, hein, Mathieu? Ben non, mais c'est non, mais je le sais, des fois, il y a trop d'adresses. Tu fais des liens entre chaque, et puis t'as ton Facebook, t'as ton MySpace, ton Reverb Nation, ton site. Les autres, c'est ça. la page Facebook du Dîner de con aussi, où tu peux mettre des affaires là-dessus. Ouais. Donc, ben, c'est ça. C'est ça. Ben, on te remercie beaucoup. Puis le spectacle, on rappelle, c'est le Biobazar Bazar. Oui, parce que ça va être un bazar, justement. C'est déjà ça. Que Biobazar est un bazar, là, c'est le bazar et... je sais pas, extensionné. Mais ton tweaker, spectacle, j'aime ça. Ouais. Ton spectacle va être amené aussi, c'est pas simplement un spectacle, c'est un party, là. Ben oui, c'est un party, tout à fait, parce que justement, on met pas nécessairement de chaises, là, on veut que les gens, ça danse, il y a un service de bar. Ça bouge. Ça c'est important aussi, ouais, tu sais, parce que des fois, tu vas à Saint-Jean-Thompson, t'as pas le droit de boire ta bière ou ta petite coupe de vin, c'est un peu plate. Là, ça va être vraiment bien ouvert. Je me suis pas informé, mais ça fait déjà quelques questions que j'ai. Si c'est 18 ans et plus, je pense pas, sinon il serait indiqué. Même s'il y a un service de bar. Donc, parce que j'ai déjà des amis, les enfants de mes amis qui sont déjà amateurs de musique électronique, ils ont dit hey, je vais y aller. Fait que il n'y a pas de problème, je pense. Oui, il n'y a pas de problème. À la limite, ils cartent au bar et puis. Exactement. Comme au Maxi. La plupart vont être avec leurs parents. Fait que je veux dire, ils ont l'autorisation à côté. Là. Ah, cool. Venez. Ben le oui, 19 mars. C'est ça, 19 mars, c'est où? Salle, centre culturel Pauline Julien. C'est une place qu'on connaît pas. Moi, j'étais jamais allé, pour être franc. C'est une belle petite place. Ouais, c'est une belle salle. Moi non plus, oui. J'ai jamais été. C'est souvent utilisé dans des expositions visuelles, là, peinture, photos, etc. Mais c'est une salle, c'est le fun. En plus, il y a un genre de plafond rond. Une belle salle à exploiter. Puis c'est justement pour ça, c'est dans la série de cartes, de refaire redécouvrir cette salle-là. Je pense la semaine après moi, le 25, il y a Sébastien Dulude avec Alex Dosti, Naïd qui font un truc de slam poésie aussi. Donc, je fais exprès, j'en parle, ça lui donne de la pub aussi. Oui. Donc, ils veulent faire des trucs. Avant, il n'y avait rien. Tu sais, c'était un peu plus âgé, la clientèle. C'est pas péjoratif, mais il y a des trucs un peu plus chansons. Exposition vraiment très calme. Très calme, piano, voix, guitare, voix. Mais là, on a décidé de... Je sais pas, au centre culturel, Olivier Letarte, vraiment sympathique. Il est jeune en plus, il est dedans. Il a décidé vraiment de... Il veut que ça bouge. De remettre au goût du jour puis de faire connaître la salle qui est à peu près inconnue pour le monde d'à peu près d'en bas de 30 ans. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, venez découvrir cette salle-là au centre Pauline Julien. Le 19 mars. Ouais. Est-ce que tu veux choisir une pièce de ton album Whale's Vagina à entendre? Ben, on prend une petite pièce Radio Edit. Là, t'as joué Moon Queen. Je sais pas. Elle, c'est la 10. Crazy Ride. Crazy Ride. On écoute ça à l'instant de Biobazar. Danny Janvier, merci beaucoup. Merci Mathieu Plante. Merci François Olivier. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bon spectacle et bonne émission tantôt aussi. Oui, bonne émission vous aussi. Merci beaucoup. Danny Janvier, Bio Bazar avec Crazy Ride à Assemblage Requis. On rappelle l'événement, c'est le 19 mars à 20h, le Bio Bazar Bazar, électro-trance jazz. Pour les billets, c'est la billetterie de Trois-Rivières au 819-380-9797. Et puis c'est au Centre culturel Pauline Julien de Trois-Rivières au 150 rue Fusée. Oui, juste à côté du parc où est-ce qu'on peut patiner. Là. Ah. Il y a comme un lac artificiel et puis une fontaine. Et puis, il y a un McDonald's juste en face. Un McDonald's. Bon, mais ça envahit ça, la planète au complet. Hein, c'est McDonald's. Ça tient pas loin des parcs, il faut faire attention. C'est nouveau. Qu'est-ce qu'ils font chez McDonald's? Je sais pas. Des biscuits trop épais et qui goûtent mauvais. C'est ça? C'est ce que j'ai entendu dire. C'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis. On a une deuxième tout à l'heure avec Simon Fitzbé et sa chronique Phénomène. Deuxième partie sur Serge Gainsbourg dans la chronique de cette semaine. Donc, soyez là. Et puis, plus tard, François Landry et sa chronique Logocratie 101. Qui nous parle des élections à reculons. C'est dans la deuxième heure d'Assemblage Requis, l'info qu'on peut s'en venir. C'est là. Le service aux étudiants de l'UQTR et la Banque nationale sont fiers de vous présenter Assemblage Requis. Deuxième heure d'Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées en ce jeudi 10 mars. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François-Olivier. Oui, nous sommes ensemble pour encore une cinquantaine de minutes ici même à CIFO 89.1 FM, à Radio Campus de Trois-Rivières. Avec on reçoit. Est-ce qu'on reçoit quelqu'un? C'est comme on fait toutes les semaines, environ à cette heure-ci, le jeudi. Tout à fait. Est-ce que tu parles de Simon Fitzbé? Tout à fait. Voici Phénomène. J'espère que tu pleures parce que tu es heureux de nous voir. Ah oui, je t'ai mis comme à chaque semaine d'être avec vous, messieurs. Notre présentation toujours aussi chaleureuse. Ah, c'est génial. Oui. Donc, Simon Fitzbé avec nous pour Phénomène, comme toutes les semaines. Et là, c'est la deuxième partie de ta chronique sur Serge Gainsbourg. Exactement, Serge Gainsbourg, probablement un des plus grands compositeurs, auteurs, compositeurs, interprète français qui a choqué le plus également, qui a été le plus particulier. Et la semaine dernière, on a vu comment Lucien Ginsberg, l'artiste timide à la tête de chou, a quitté le monde de la peinture pour devenir musicien, pour ensuite écrire ses propres chansons et devenir Serge Gainsbourg. Impopulaire et moqué par le public, il a également trouvé les interprètes dignes de son talent afin de projeter ses compositions dans la stratosphère musicale. Juliette Gréco, puis France Gall lui ont apporté la gloire. Ensuite, il a trouvé l'amour et la passion avec la belle Brigitte Bardot qui l'a quitté, ayant peur du scandale. Seul, à l'orée du succès, Gainsbourg aurait pu sombrer dans la solitude sans muse pour alimenter sa créativité. Par contre, quelques temps après Bardot, Gainsbourg trouve Jane, une jeune femme de 18 ans, sa cadette, qui va devenir sa muse, son interprète ainsi que sa copine. Et nous allons voir donc cette semaine comment Gainsbourg, dans les années 70, est devenu un monstre de musique, est devenu vraiment une icône mondiale de la musique française et comment également il a commencé à s'autodétruire et devenir Gainsbourg à la fin de sa vie. Donc c'était Dr. Gainsbourg et Mr. Gainsbourg pratiquement. Et on va voir donc comment s'est terminée sa carrière et également sa vie puisqu'il est décédé le 2 mars 1991. Et donc, Serge Gainsbourg et Jane Birkin sont tombés en amour donc et le couple s'empresse d'attirer l'attention des médias. Ils se sont rencontrés sur un studio de cinéma. Et déjà, donc, à cause de l'écart d'âge entre les deux, mais aussi, ils attirent les médias avec les propos osés de leur première chanson, entre autres « Je t'aime, moi non plus ». Et ensuite, nous avons « 69 années érotiques ». Gainsbourg. le hublot, il regarde la côte. Il sème et la traversée durera toute une année. Ils vaincront les maléfices jusqu'en 70. 69 et la traversée durera toute une année, et que les dieux les bénissent jusqu'en 70. 69 et la traversée durera toute une année. Il pardonnera ses caprices jusqu'en 70. 69 La pièce 69, année érotique, bien sûr, de Serge Gainsbourg et Jane Birkin, un de leurs premiers succès après Je t'aime, moi non plus. Et ça se retrouve sur l'album Jane Birkin, Serge Gainsbourg, et qui regroupe entre autres les pièces Jane B, qui traite d'un assassinat, Le Canari sur le balcon, qui tourne autour du suicide, ainsi que quelques chansons que Gainsbourg avait écrites pour d'autres et qu'il reprend lui-même. Entre autres, Les Sucettes, qui était une pièce tout d'abord écrite pour France Gall, qui a été reprise par Gainsbourg lui-même. C'est elle qui comprenait pas en entrevue le double sens de la sucette que j'avais vu une vidéo d'elle. France Gall? Ouais, c'est ça. Oui, oui, oui. D'ailleurs, il y avait la pièce Les Sucettes à l'anis et on faisait des jeux de mots justement. D'ailleurs, dans le film Vie héroïque, il se marre de ça parce que anis est un autre mot. Si tu remplaces une lettre, un i par un u, je vois pas où ça tu sonne veux pareil. En venir. Je vois pas où tu veux en venir tel un anis. Je saurais pas où en venir que ça va faire. Excuse-moi de descendre vraiment la barre de ta chronique. Ben voyons donc, voyons donc. Mais oui, Franz Gall n'était pas réputé pour son cerveau. Hein. Il était assez nunuche quand même sur les barres. Et donc, suite à Jane Birkin, Serge Gainsbourg, qui fait quand même un tabac, surtout en grande partie à cause de la belle voix de Jane Birkin, mais de sa beauté incroyable. C'était une très, très, très belle femme. Et toujours une très belle femme, d'ailleurs. Il s'ensuit l'album le plus ambitieux de la carrière de Gainsbourg. Alors que Jane tourne en Angleterre, Serge, seul à la maison, crée un personnage, Melody Nelson, et qui sera incarné par sa copine. Il s'ennuyait beaucoup de Jane et donc s'est lancé dans les rêves avec Melody. Et l'histoire de Melody Nelson s'inspire de la vraie vie du couple. Alors que Gainsbourg, au volant de sa Rolls-Royce Silver Ghost, heurte Melody Nelson, une adolescente. C'est bien sûr un clin d'œil à la différence d'âge entre les deux amoureux. La séduction s'installe entre Serge et Melody et s'ensuit la romance, suivie par le doute. L'album se termine finalement par la mort de Melody dans un crash d'avion. L'album est l'objet d'un culte à travers le monde. Gainsbourg a décidé également de laisser tomber le chant pour l'art du spoken word qui va le suivre jusqu'à la fin de sa carrière. Ça, c'est l'histoire de Melody. Judy Nelson. Qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Elle avait de l'amour pour vous. Ses jours étaient comptés, 14 automnes et 15 étés. Histoire de Mélodie Nelson, donc pièce qui se retrouve sur... plutôt ballade de Mélodie Nelson, qui se retrouve sur Histoire de Mélodie Nelson, album lancé en 1971, qui comporte aussi, en plus des paroles et de l'histoire incroyable que Serge Gainsbourg nous donne, des arrangements musicaux qui sont des plus incroyables. On y voit un culte partout à travers le monde, justement à cause de cette musique excellente et le sujet qui est traité dans cet album. Et dans cet album, justement, Gainsbourg explore sa vie ainsi que son amour pour Jane Birkin. En plus de se redécouvrir, il nous donne un album concept favori des connaisseurs. La popularité de Mélodie Nelson jette encore plus de lumière sur le couple lors de sa parution en mars 1971, il y a 40 ans donc cette année. Et quelques mois plus tard, en juillet de la même année, Serge devient papa pour la première fois alors que Charlotte Gainsbourg voit le jour. Donc la belle Charlotte. Oui, la belle Charlotte qui va célébrer ses 40 ans en juillet, mais qui ne les fait pas du tout. Non du tout. En mai 1973, il subit sa première crise cardiaque. À la place d'en sortir grandi, il s'en sert comme une campagne médiatique. Serge convoque une conférence de presse. Il continue également à fumer et boit plus que jamais pour se conformer, bien sûr, à son personnage. Lui, il n'en avait rien à foutre de ses problèmes de santé. Il voulait continuer à vivre la vie déhurée qu'il avait. Gainsbourg poursuit donc l'écriture d'albums concept avec Vue de l'extérieur à la fin de l'année 1973. L'album reprend les thèmes érotiques explorés dans les derniers albums. Malheureusement, il est victime de mauvaise presse à cause de certains titres tels que Pampan Cucu, Titi Caca et Des vents, des pets et des poumes. Jugé comme scatologique. Par contre, l'album comporte d'excellentes pièces dont Vue de l'extérieur ainsi que Je suis venu pour te dire que je m'en vais. Deux succès à la fois radio ainsi que dans le cœur des fans. En 1975, il récidive avec Rock Around the Bunker, plutôt un album obscur dans lequel Gainsbourg, un juif ayant porté l'étoile jaune sur sa parka pendant la Seconde Guerre mondiale, se moque de l'Allemagne nazie avec son Nazi Rock également et SS Sibon, donc SS Sibon, et SS Uruguay qui a également donc écrit... la chanson qui se nomme « Le silence du pape » qui aurait dû se retrouver sur l'album, mais ça faisait allusion à l'inaction de Pie XII lors de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, la pièce n'a jamais été enregistrée sur cet album qui a quand même fait scandale. Un juif qui chante le nazisme, c'est pas très, très bien vu. Il était pas pro-nazi, mais il s'habillait en SS et il essayait de faire le plus gros scandale qu'il n'y avait pas. Gainsbourg récidive encore en 1976 avec L'homme à la tête de chou, encore un autre album concept, comme avec Melody Nelson. L'homme à tête de chou présente Gainsbourg en quadragénaire qui est devenu, en quadragénaire qu'il est devenu, qui tombe amoureux de Marie-Lou, une shampooineuse avec laquelle il joue des jeux érotiques qui se terminent par le meurtre de Marie-Lou par donc son amant jaloux. L'homme à tête de chou, au départ rejeté par les amateurs, a été redécouvert par la génération suivante et est maintenant considéré comme un joyau de la musique française. On retrouve sur cet album la pièce Marie-Lou Reggae qui nous prépare à la suite. Puisqu'effectivement, en 1979, Gainsbourg s'exile en Jamaïque pour y enregistrer son album le plus controversé de sa carrière, Aux Armes, etc., qui est un album enregistré avec des musiciens jamaïcains qui se retrouve rapidement au top des palmarès. Armes, etc., qui se retrouve sur l'album du même nom, un album reggae enregistré à Kingston qui a semé la controverse puisque malgré tout, le succès de cet album, de cette pièce, la reprise de la Marseillaise, hymne national de la France, sème la pagaille. Des groupes d'extrême droite considèrent la reprise comme une insulte au peuple français, également du fait que ce ne sont pas des Français qui jouent la musique sur cette pièce. Ils vont faire annuler un concert à Strasbourg, qui devait être en 1980 un événement. Ils se sont présentés au concert en paramilitaire, c'est-à-dire donc habillés avec les bérets et tout. Et la foule a effrayé donc les musiciens jamaïcains de Gainsbourg qui voyaient que c'était une révolution qui se passait sous leurs yeux. Les Gainsbourg, lui, se présente à l'entrée de la salle soulignant qu'il est insoumis et qu'il a redonné son sens original à la Marseillaise. Il termine en entonnant justement cette même Marseillaise avec l'ensemble de la foule sans musique, a cappella. Et même les groupes d'extrême droite vont chanter la Marseillaise, bien sûr, puisqu'ils sont très patriotiques. Et il va pousser l'affront encore plus loin l'année d'après, puisqu'il va acheter le manuscrit de la pièce dans une vente aux enchères. Et c'était pas donné, donc il avait quand même assez beaucoup de fric. Dans les années 80, Gainsbourg devient l'ombre de lui-même. Il boit de plus en plus, il passe son temps dans les boîtes de nuit et hérite d'une réputation de poète maudit en pleine déchéance. C'en est trop pour Jane Birkin, qui a peur de Gainsbourg, qui devient de plus en plus Gainsbourg, donc un personnage très sinistre. Après plus de 10 ans de vie commune, elle le quitte. Serge attire la controverse. Entre autres, il brûle un billet de 500 francs à la télévision pour dénoncer les taxes élevées de la France, qui dit que ces taxes ne vont pas aux pauvres, mais plutôt à financer le nucléaire. Donc, c'est comme quoi qu'il était contre. En 1981, il lance un second album reggae, Mauvaise Nouvelle des Étoiles, qui passe presque inaperçu et qui est mal vu par la critique. C'est également à cette époque qu'il rencontre Bambou, mieux connu sous le nom de Caroline Paulus, un mannequin de 22 ans qui devient sa compagne. C'est avec elle qu'il devient père de Lucien, Lulu Gainsbourg, son deuxième enfant. Bien sûr, Lucien s'est tiré de son nom à lui-même, Lucien Ginsburg. Il a également entretenu une relation secrète avec Constance Meyer, une jeune fille de 16 ans, alors que lui s'approchait de la soixantaine. Petite différence. Ouais, mais c'était pas, ça n'a pas été médiatisé. Ça s'est sorti en fait tout récemment. Là. Donc en 2010, Constance Meyer a accordé une entrevue. Elle a dit qu'effectivement, elle avait eu une relation intime avec Gainsbourg. Gainsbourg écrit pour Bambou, mais il continue parallèlement à écrire pour Birkin, donc leur lien professionnel reste encore établi. Il collabore aussi avec Charlotte Gainsbourg, entre autres dans la pièce Lemon Incest, qui se retrouve sur l'album Love on the Beat, qui est lancé en 1986. Sur ce disque, il se frotte au son des synthétiseurs ainsi qu'à la musique électronique. Il récidive finalement pour une dernière fois en 1987, dis-je, avec You're Under Arrest, un album concept encore basé sur l'amour d'un homme vieillissant avec une femme plus jeune. Et on se rappelle donc de ses albums un peu moins que les autres. Et il faut dire également que dans ses derniers albums, Gainsbourg a également voulu pousser le thème plus loin en s'attaquant entre autres à l'homosexualité. Non pas s'attaquant violemment, mais plutôt en essayant d'incorporer ça dans ses thèmes de musique. Ça a un peu mal passé chez certains fans. On se rappelle beaucoup plus de l'image de Gainsbourg que de ce qu'il a produit dans la décennie 1980. Il avouait lui-même ne pas porter trop d'importance à ce qu'il écrivait. Il avait un peu abandonné. Malgré tout, c'était des gros succès commerciaux. Il vivait d'alcool et de luxure en se contentant d'être seulement une pâle copie du génie qu'il était auparavant. Lemon Incest, donc, se retrouve sur l'album Love on the Beat de 1986, chanté donc avec Charlotte Gainsbourg, qui avait seulement que 13 ans à l'époque. Et on parle bien sûr d'inceste, ce qui a quand même choqué le public. Gainsbourg s'est défendu de ne jamais avoir pratiqué l'inceste avec ses enfants, mais ça a quand même un peu terni son image. Est-ce qu'il y avait pas des photos de lui avec Charlotte en train de s'embrasser ou genre d'être très, très, très près? Ouais, dans le genre, mais dans le vidéoclip, Gainsbourg est en bédaine, dans le fond, et Charlotte, elle est en petite camisole et en petite culotte, donc couchée sur un lit. Et parle d'amour qu'ils ne feront jamais, de choses comme ça. C'est assez... donc, quand je dis qu'ils voulaient vraiment provoquer là, dans les années 80, là, c'était vraiment incroyablement fort. Là. C'était pire que les nazis. Donc, le 2 mars 1991, deux semaines après avoir surpris tout le monde en faisant son testament, chose qu'il refusait catégoriquement de faire, Gainsbourg s'éteint après avoir été terrassé d'une cinquième crise cardiaque. Il a été enterré dans le cimetière de Montparnasse aux côtés de ses parents. Il laisse dans le deuil ses enfants, ses femmes, ses nombreuses muses, ses collaboratrices ainsi que des millions de fans. Il reste gravé dans la mémoire comme étant le plus grand homme de la musique française. Malgré qu'il considérait la chanson comme un art mineur, il a littéralement réussi à faire des siennes quelque chose de majeur. Merci beaucoup, Simon. Ça fait plaisir. Avec cette deuxième partie de Serge Gainsbourg, évidemment, toutes tes chroniques sont disponibles sur le blog de l'émission ou assemblagerequis.com. Yeah. Et on te retrouve tous les jeudis dans ta Simon Fitz D. Oui. La Simon Fitz journée D. Ouais, comme demi-D, parce que toi, tu prends tout l'après-midi, puis oui. Tu sais, on sépare ça à deux, on est très contents. Hey, ma copine hier me dit, demain, c'est le Simon Fitz BD. Fitz BD. Je dis, ah non, c'est pas un Fitz BD, c'est le Fitz D. Ah ben moi, je dis Fitz BD. Comme tu veux, cher. Ah oui. On l'assinera pas. Ouais, mais déjà très chanceux. Très gentil d'avoir... de penser à toi. Ouais. Mmh. C'est ça. Donc, le Simon Fitz. Moi, je trouvais ça louche, soit dit en passant, mais bon. Elle parle souvent de moi comme ça. Écoute, oui, de plus en plus. Bon, d'accord. C'est les jeudis matins, entre 7h et 9h, évidemment, avec la chronique Phénomène, ici même à Assemblage Rocky. Oui. Ensuite, entre 11h et 13h, dans le dîner de cons, c'est le scout des internets, vers les midi. Effectivement. Environ. Les jeudis soirs, à 21h, c'est la saveur du moment. Ouais, si je suis pas mort, c'est ça. On te souhaite un pro rétablissement. Qu'est-ce qui s'en vient à l'émission ce soir si t'es là? Ça serait beaucoup de jazz canadien, beaucoup d'artistes. Donc, on m'a proposé en fait ces albums-là depuis le début de la saison et j'ai eu le temps d'en écouter quelques-uns et je voulais présenter ça justement ce soir pour préparer également les gens à cet été puisque ça va être, je vais revenir avec mon émission jazz cet été. Oui. Et je voulais donc tranquillement, pas vite, insérer ça dans l'esprit des gens. Subtilement. Le jazz, ouais, subtilement. À peine 2 mois à l'avance. Ouais, mais ça se pourrait que ça soit donc la semaine prochaine, ça soit repoussé, malheureusement. Très bien. Bref, écoutez la saveur du moment toutes les semaines et à un moment donné, s'il n'y a pas d'émission, mais c'est pas grave. S'il y en a une, mais c'est tant mieux. Puis, oui. Etc. Sinon, vous pouvez écouter également les rediffusions les lundis quand il y a eu des émissions la veille. Oui, c'est ça. Sinon, c'est difficile de leur diffuser la sécheuse. C'est ça. Quoique ça se rediffuse très bien aussi. Mais bon. Donc, la saveur du moment, c'est jeudi à 21h. Merci beaucoup, Simon Fitzbé. Merci. Merci. Et Simon reste avec nous, évidemment, pour la chronique de François Landry qui s'en vient en quelques moments. François Landry qui va nous parler de quoi déjà, François? Des élections à reculons. Quand je dis François, il va nous parler de quoi, François? Ça fait vraiment comme la même personne, ça n'a comme aucun sens. On l'a vu. Un de vous deux doit changer de nom d'ici après la pause, parce que là, moi, je vais peut-être mélanger. Je vais t'appeler. Maxime. Maxime. Maxime, d'accord. Coach. Maxime Landry. Landry, Maxime Landry. Ah, pas Maxime le Mularamé. Hein. Mon préféré. C'est fou, là, vous avez. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. François Olivier, Mathieu Plante. Assemblage requis en pièces détachées. Toujours à Assemblage Requis, oui, au 89 FM, c'est fou. Maintenant, c'est le moment d'accueillir François Landry et parler de politique. Voici Logocratie 101. s'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Dangereux. Royal. Gang sister. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Permettez-moi de réintroduire tout le monde. Donc, François Landry, bonjour. Bonjour. Simon Fitzbé, toujours avec nous. Hello. Et François-Olivier Marchand. Bonjour. Moi, c'est Mathieu Plante. Bonjour. Bonjour. Donc, François Landry, aujourd'hui, on parle des élections à reculons. Ouais. Tout d'abord, une petite question quiz. Le 9 mai ou le 16 mai, qu'est-ce que vous avez prévu faire? Aller aux urnes? Oui, monsieur. Dès que je te voyais venir. Perspicace, François-Louis. Commencer les vacances d'été. Oui, parce que ce sont les deux dates qui auraient été réservées pour la campagne, pas pour la campagne, mais pour l'appel aux urnes. Donc, le 9 mai prochain ou le 16 mai, tout dépendamment de l'humeur de Stephen Harper, on ira en élection générale au fédéral. Pourquoi on dit ça? C'est pas encore, la campagne n'est pas encore lancée, il n'y a pas encore de vote. C'est parce qu'il y a deux choses qui peuvent arriver d'ici la fin du mois. Donc, d'ici le 25 mars prochain, il y a deux événements qui pourraient amener à un déclenchement d'élections précipité. Le budget? Oui, le 22 mars prochain, dépôt du budget. Donc, le temps qu'analyse le tout. Une semaine après, il pourrait y avoir un vote sur le budget. Et si le budget ne passe pas, le gouvernement tombe. Donc, élection générale. Et l'autre affaire, on l'a su cette semaine, c'est tout récent, notre fameuse ministre Bev Oda. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Elle s'était ingérée dans un dossier qui la concernait, mais d'une manière frauduleuse qu'elle s'est glissée. Oui, le fameux note. Parce que ses fonctionnaires avaient dit « On va subventionner le groupe Kairos, un groupe d'intervention sociale communautaire à saveur religieuse. Donc, un groupe de pression, comme tout autre groupe communautaire qui existe. » Et elle était intervenue sur la feuille qui avait été signée par son ministère. Elle avait marqué au stylo « Do not le not ». Ne pas subventionner le groupe Kairos. Donc, à la main, au lieu de refaire imprimer une feuille avec, pour insérer le note. Donc, elle l'a fait. Mais en plus, elle est allée contre l'avis de ses fonctionnaires. Les fonctionnaires, par définition, sont neutres politiquement. Ce sont des employés. Oh, ouais, c'est ça. Exact. Donc là, c'est de l'ingérence du Parti conservateur dans un dossier gouvernemental. Donc là, elle est sur la sellette. Il y a quelqu'un, un député qui a porté plainte à la Chambre des communes. Et là, il y a une enquête qui va se faire. Et le 25 mars prochain, le dépôt du rapport du comité d'enquête. Donc, c'est là qu'il pourrait y avoir un vote de blâme contre elle ou un vote de défiance envers le gouvernement. Parce que le gouvernement s'est ingéré dans un dossier gouvernemental. Et plusieurs petites choses aussi cumulées font en sorte que l'opposition est tannée du gouvernement. Mais le premier ministre pourrait pas simplement la limoger, en fait? Il pourrait, oui, il pourrait. Même, il devrait le faire pour se sauver la face. Sauf que c'est un poids lourd dans le parti de Harper. Et elle représente un peu les communautés ethniques de par son origine. Et Harper a absolument besoin des communautés ethniques pour se faire réélire majoritaire dans l'Ouest canadien. Il faut dire aussi que c'est difficile de mettre un député dehors quand il rapporte beaucoup d'argent dans les campagnes de financement. Aussi. Exactement. Donc, c'est un poids lourd financier de plus. T'as raison là-dessus, Simon. S'il la met dehors, donc, il reconnaît qu'il y a eu ingérence du Parti conservateur dans la gouverne de l'État. Donc là, on va pouvoir créer un précédent avec ça, dire, pour telle affaire, on l'a vu encore cette semaine, il y a des chèques qui sont donnés à des organismes au Canada, avec le logo du Parti conservateur. Oui, j'ai vu ça. Au lieu d'être le logo du gouvernement canadien, c'est le logo du Parti conservateur. Donc, ingérence encore là du parti pour s'approprier. Le parti de Harper est maintenant le gouvernement Harper. Oui, c'est ça. Il était écrit gouvernement Harper. C'est une autre chose. Ça, c'est un autre dossier qui dit en sorte que quand on donne de l'argent, quand on fait une annonce, c'est le gouvernement du Canada. Le nom officiel du gouvernement, c'est le gouvernement du Canada, mais Harper, sa directive, c'était enlever le mot Canada pour mettre le mot Harper. Les gens vont associer les dons. Harper donne l'argent. C'est Harper qui donne l'argent, donc il faut élire Harper. C'est illégal de faire ça. Oh oui. Donc, ils vont tout ça fera en sorte que, un moment donné, l'opposition s'est dit, faut faire quelque chose. Et comme par hasard, le 21 mars prochain, il y aura une journée d'opposition. Ça, c'est une procédure qui fait en sorte que c'est l'opposition qui écrit l'ordre du jour. Habituellement, c'est le parti au pouvoir, là, c'est l'opposition. Donc, il pourrait écrire à l'ordre du jour une motion de défiance. Et ça, c'est comme un blâme sévère pour précipiter des élections. Donc, on ne fait plus confiance au gouvernement. Donc, on appelle le gouverneur général à pas suspendre, mais à le... Abolir? Non, on peut... À déclencher des élections, tout simplement. Okay. Mais est-ce que l'opposition veut aller en élection pour revenir à l'origine du sujet d'aujourd'hui, des élections à reculons? Le Parti conservateur, selon plusieurs sondages, tant au Québec qu'au Canada, serait au seuil de la majorité. Le Bloc québécois, très, très fort au Québec. Donc, c'est ces tout. Deux partis-là sont à l'aise. Mais le Parti libéral et le NPD, est-ce qu'ils veulent avoir des élections? On les voit pas. On les voit à TV dire « Oui, le Charest, Harper, il est méchant, puis il faut faire de quoi? » Mais voulez-vous des élections, M. Layton, M. Ignacef? On va voir. Ouais. Pourquoi ils veulent pas d'élections? Parce qu'ils ne seront pas élus. Première des choses, oui, effectivement. C'est une bonne raison. Mais parce que aussi, il y a une grogne qui s'installe chez les libéraux présentement en disant que Ignacef n'est peut-être pas l'homme de la situation. C'est pas un bon leader charismatique. Il n'est pas rassembleur du tout. Depuis qu'il est au pouvoir, les sondages sont assez désastreux, merci. Et dans l'entourage même du Parti libéral, donc la garde rapprochée, on dit que si on fait le mieux qu'on peut, on pourrait égaler le score de Stéphane Dion en 2008. Ich! Donc ça, c'est une gifle en pleine face de Ignacef parce que c'était la pire des confitures des libéraux depuis toujours, en 2008. Et ça, c'est le mieux que tu peux faire. Le mieux que tu peux faire, si on fait beaucoup d'efforts. Là, c'est ça. Si on dépose l'effort. Mais en même temps, il y a une autre frange du Parti libéral qui dit « Non, allons en élection pour se débarrasser d'Ignacef. » Ah ouais. « Pour avoir un nouveau chef pour les prochaines élections. » Jack Layton. Non, attends, ça, j'en reviens pour Jack Layton. Je vais revenir plus loin. Donc, on dit on se débarrasse d'Ignacef parce que s'il n'est pas capable de monter dans les sondages, c'est sûr que les membres du parti vont s'en débarrasser du chef. Habituellement, quand un chef n'est pas capable de conduire sa meute, on change le chef. En même temps, ils risquent pas d'avoir un gouvernement conservateur élu à majorité cette fois-là. Ils sont prêts à ça. Les libéraux sont prêts à assumer le choc. Ouais, mais ça va être l'apocalypse. Ils sont tannés. Il y a une frange, il y a deux franges. Une qui est pour Ignacef qui dit « on va tout faire pour minimiser les dégâts » et l'autre frange qui dit « on va tout faire pour se débarrasser d'Ignacef ». En fait, dans le fond, la pub plus capable, c'était pas pour Stephen Harper, c'était plus capable de Michael Ignacef. On voyait souvent la face d'Ignacef aussi dedans. Fait que, ça se pourrait que ce soit pour ça qu'on est plus capable d'Ignacef. Donc là, ils vont à reculons parce qu'ils savent pas trop comment agir demain. Pour le NPD, Simon, tu disais que Jack Layton pourrait devenir le prochain chef du Parti libéral. Ouais. Je miserais même pas sur le fait que Layton sera encore chef dans un an. Du parti néo-démocrate. Il y a deux gros problèmes de santé. Il est en voie de guérison d'un cancer de la prostate. Ça l'a amaigri, ça l'a affaibli parce qu'on sait que la prostate pour un homme, c'est assez, tant au sens figuré que physiologique, c'est très important. C'est psychologiquement parlant, c'est très important. Et il s'est fracturé la hanche il y a quelques temps. Ah ouais. Donc là, c'est pour ça qu'on le voit marcher avec une canne, mais il est en rémission. Donc ça a été une grosse opération qu'il a subie. Une opération de la hanche, habituellement, c'est une réhabilitation assez douloureuse. Donc on le voit pratiquement plus. C'est Thomas Mulcair qu'on voit de plus en plus. Et là, les journalistes commencent à jouer la démagogie un peu en disant « Layton s'efface, Mulcair est là, sont en train de mettre la bisbille. » Et Mulcair a fait un pétage de coche, pour être en bon français québécois. Là. Il y a un journaliste qui a demandé à savoir s'il avait des aspirations à devenir chef du Parti néo-démocrate. Là, Mulcair, au lieu de dire « non, il a enguirlandé, pour demeurer poli, là, le journaliste, live, il te l'a engueulé comme du poisson pourri en disant que je suis le plus fidèle des soldats de Jack Layton, t'as pas le droit de dire ça, où c'est que t'as pogné ça? » Le journaliste a dit « ouais, ma source provient du Parti conservateur. » Puis là, Mulcair s'est emporté une fois de plus en disant que sa source, c'est le Parti conservateur. Quel type de journaliste tu fais? Ouais. Donc, il pourrait y avoir une petite chicane encore là, faite de par les journalistes via le hot room du Parti conservateur. Donc, Jack Layton aussi, ça serait sa quatrième campagne électorale. Donc, c'est l'homme de la situation présentement. Il pourrait revenir pour le budget, mais rien n'est certain. Donc, le Parti néo-démocrate sans Jack Layton, c'est pas très très fort parce qu'il n'y a pas de figure, c'est pas très connu. Jack Layton, on l'aime, c'est un bon monon. Ah oui, on l'aime, un sympathique moustachu, rigolo, un party animal. Ouais. On l'aime, t'sais, lui on l'aime, peut-être pas ses idées tout le monde, mais lui on l'aime. Yeah. Ouais. Puis bon, sans Layton, il y aurait Thomas Mulcair, beaucoup moins charismatique, très intellectuel, très intelligent le gars, mais Est-ce que c'est un homme de terrain? Il faudrait revoir son image peut-être. Et aussi, ce qui nuit grandement au Parti néo-démocrate, présentement, à part les problèmes de santé de Layton, c'est qu'il y a deux élections en ce moment, au Manitoba et en Nouvelle-Écosse, où ce sont les néo-démocrates qui sont au pouvoir. Et là, ça va mal pour eux autres. Oh, OK. Ils vont perdre provincial. Donc là, la base militante délaisse un peu le Parti fédéral pour les partis provinciaux, pour les faire remonter. Et il y a deux courses à la chefferie aussi au Parti néo-démocrate de deux autres provinces. Donc là, toute la base militante encore là du fédéral s'en va dans les provinces. Donc, il y a une division en quatre points au Canada. Et quand tu te mobilises pour faire élire un chef ou sauver un gouvernement, t'es épuisé après. Donc, les ressources financières et matérielles humaines sont vraiment à sec. Est-ce qu'ils vont être encore en force pour faire une campagne électorale digne de ce nom au mois d'avril prochain? Ça reste à voir. Je parierai pas là-dessus, certainement. Donc, les néo-démocrates, ils vont en reculons parce qu'ils savent pas si Layton sera l'homme de la situation. Et si dans 18 mois, il sera encore chef du parti néo-démocrate. Mais s'il va mieux, s'il reprend du poids de la bête. J'espère. Peut-être, peut-être. Ça, c'est un 50 cents que je un 25 cents que je serais dans les airs. C'est oui ou non, on le sait pas. Puis peut-être que lui-même va se retirer parce que, à un moment donné, quatrième campagne, à part Gilles Duceppe, là, qui accumule les trophées de de longévité. Ouais. Mais, tu sais, on verra. Au sein du Parti libéral, est-ce que tu verrais Bob Rae comme candidat potentiel? Oui. Moi, c'est honnêtement, être membre du Parti libéral, ce serait mon candidat. Parce que il parle très bien français, l'ancien premier ministre de l'Ontario, à gauche. Et le Parti libéral, présentement, se doit d'être à gauche pour faire contraste au Parti conservateur qui est à droite. Avec Bob Rae également, on pourrait peut-être voir des rapprochements avec le NPD, puisque c'est un ancien premier ministre du NPD en Ontario. Exactement. Donc, Exactement, parce que l'INSEF a mis une croix sur toute alliance possible avec le NPD et le Bloc. Incroyable. Et Bob Rae est beaucoup plus ouvert, parce que Bob Rae provient de l'école un peu de Jean Chrétien. Et Jean Chrétien a appelé à faire une fusion du Parti libéral du Canada et du Parti néo-démocrate. Ce serait la seule façon, dans le fond, de contrer les conservateurs. C'est comme ça qu'eux ont réussi à arriver au pouvoir, c'est en fusionnant l'Alliance canadienne et le Parti conservateur progressiste conservateur qu'il y avait à l'époque. Donc, ils ont uni la droite. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir, minoritaire, mais quand même. Et là, il y aurait une division de la gauche. Moi, j'appelle pas les libéraux de gauche, mais c'est du centre. Les libéraux sont au centre. Ouais. Un matin, ils sont à droite, l'autre matin, ils sont à gauche, dépendamment du vent qui fait dehors. Donc, on verra pour ça. C'est une grande question à se poser. Qu'est-ce qui va arriver aux prochaines élections? Ça passe ou ça casse? Il y a des chefs qui vont tomber, certainement. Harper, s'il ne réussit pas à avoir une majorité, il tombe. Ignatieff, oui, ça c'est clair. Troisième gouvernement minoritaire de suite, ça passera pas. Et Ignatieff qui, peu importe ce qui arrive, il tombe. À moins qu'il y ait un gouvernement majoritaire comme par magie, de par une gaffe majeure des conservateurs. Layton, son état de santé. Et Gilles Duceppe qui est encore là, lui que... Lui va rester là. Il n'y a rien qui le dérange. Il va mourir chef du Bloc québécois dans une couple d'années, certain, ça. Ou à moins que le Parti québécois au Québec fasse un appel à Gilles Duceppe, encore une fois, comme étant le messie qui pourrait venir sauver les meubles au Québec, parce que Pauline pourrait ne pas survivre au congrès d'avril du Parti québécois. Mais ça, c'est une autre histoire. J'aimerais plus que Denis Coderre s'en aille au Parti québécois. C'est drôle. Denis Coderre. J'y avais posé la question sur Twitter et Facebook. On sait qu'il est très actif. Il m'avait répondu avec un petit bonhomme sourire. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai aucune idée. Donc, ses allégeances sont plus proches du PQ que celles du Parti libéral. C'est un nationaliste. C'est ça. Denis Coderre, c'est un nationaliste. Il fera jamais de référendum sur la souveraineté, mais il serait bon pour défendre les intérêts du Québec. Oui, ça oui. Puis on le voit encore avec l'affaire au hockey, justement, ils vont intervenir grandement pour sauver le bonhomme qui s'est fait fracturer la... Monsieur Pacioretty. Pacini, sur lui, là. Pacini. Pacini, ouais. OK, c'est correct. Donc, ça fait le tour pour l'instant. 22 mars, budget fédéral. On en reparlera certainement le jeudi suivant. Et d'ici là, le budget provincial aussi, le 17 mars. Donc ça va être à surveiller. Oui, parce que ça va influencer aussi la dynamique au Québec. Mmh. 17 mars, c'est pas la date d'une assemblée aussi, quelque chose? Il n'y a pas les élections, l'OGE, quelque chose de l'OGE, il me semble, dans le coin du 17 mars. L'Assemblée générale, quelque chose. Débat. Débat, c'est le 21. Ouais. Ah, OK. Bon, d'accord. Bref, merci beaucoup, François Landry. On se retrouve non seulement la semaine prochaine ici dans l'Assemblage Requis vers les 8h30, mais aussi dans l'émission L'Heure Internationale, oui. Les mercredis à 10h avec Alexandre Gauthier. Je fais à peu près la même affaire, mais au niveau international. Ouais. Donc, au lieu de parler de Ignatieff, je parle de Kadhafi. Donc, deux poids, deux mesures, c'est. Bon. Des fois, c'est pareil. Ça ressemble. Attache-po sur Twitter. Ouais. Tu peux me suivre, je suis assez actif. Ouais, avec des choses intéressantes. Ouais, je suis assez chialeux sur Twitter. Je me lâche plus. Ouais. Comme dans la vraie vie. Ouais, comme dans la vraie vie. Ouais. À la semaine prochaine, François. Merci. Ouais, merci. Il nous reste quelques minutes encore à Assemblage Requis. L'émission se termine bientôt dans 7 minutes. François-Olivier Marchand, Mathieu Plante, Simon Fitzbay qui va rester avec nous pour la conclusion, peut-être. Ouais. On verra. Pour l'instant, on écoute Monogrenade. Vous avez yeah. L'album s'appelle Tata, c'est tout nouveau. Et voici la pièce du palmarès francophone, M'en aller. Avant qu'on s'en aille. J'en allais. En marine. Je veux m'en aller. Où il n'y a plus personne. Où coule les secondes. Où coule les secondes. Yasmine allait de Monogrenade sur l'album Tantal. C'est tellement bon, je vais me procurer l'album, là. J'entends juste c'est les bon, hein? commentaires pour parler de ça. On aime ça. En effet, c'est très bon, c'est sur le palmarès francophone de C'est fou, comme la plupart des bonnes choses dans la vie, ça se retrouve oui. là. Hein? Avec un bon animateur, un très bon animateur. J'allais pas vraiment faire référence à l'animateur, étant donné qu'il aime, il aime pas les compliments. Moi, je voulais dire aussi, c'est assez pour C'était fou, les fans de C'était fou. Ouais, ben Nicolas Ducharme nous l'a déjà sorti. Je sais pas, j'étais dans mon auto, puis quand t'as sorti ça, voyons-nous, ils ont pas pensé à ça. Nicolas comme arrivé après oui. en sauveur, là, mais c'est assez. Ouais. Avoue que c'est toi qui l'as appelé. Ouais, c'est ça, j'ai appelé Nicolas. Ouais. Bon. Hey. Faut dire qu'aussi, Nicolas est omniprésent. Oui. Il est tel un dieu. Ici, assez fou. Ah, il suit nos traces. Hein. Il est partout. Voilà. Voilà. Donc, moi, je vous retrouve à 13h tout à l'heure. Tu le disais avec l'émission C'était fou. C'est les auditeurs s'appellent les C'est assez. Ça commence à 13h. On rembobine C'est fou avec une journée très, très récente. Une semaine. Je crois que c'est en 2009 qu'on se retrouve aujourd'hui. Oh. C'est récent. C'est très récent. On va voir un extrait d'émission aussi là-dedans, donc soyez à l'écoute tout à l'heure. Ensuite, à 14h, ça va être les palmarès C'est fou avec Stéphanie Gagné et moi-même, où on fait un tour du présent, là, vraiment le présent de maintenant, right here, right now, en quoi, mars, je pense, 2011, qu'on est en ce moment, c'est à peu près ça. Ça ressemble à ça. Dans ces coins-là. Donc, c'est à 14h, puis à 17h, ça va être Stéphanie qui va rester avec vous pour l'émission Une pêche en mission. Lundi matin, à l'émission, François-Olivier, qu'est-ce qu'on a? Lundi matin, on reçoit, comme à chaque lundi, Stéphanie Gagné. Oui. Et puis, voilà. En fait, voilà. Peut-être, c'est pas confirmé encore, mais au cours de la semaine prochaine, on va recevoir les candidats de l'AGE. Oui, c'est vrai, les élections qui s'en viennent momentanément. Mais on sait pas non plus quelle heure, quelle date, mais on tient au courant lundi. Là. Qu'est-ce que j'ai entendu dire sur le dévoilement des noms des candidats? Ça va se faire dans les prochains jours. Oui, bientôt. Là, sont en vérification, en fait, des candidatures, si tout est correct. Puis après ça, ben, on va savoir c'est qui. On se voter Mathieu Plante. Pas encore là-dedans, ben là. Donc, c'est ça. Ben, passez une excellente fin de semaine. Sinon, restez à l'écoute aussi pour, évidemment, Tour d'Afrique qui s'en vient avec Rachel. Ça commence à 9h. Et puis, à 10h, c'est Connaître ensemble, l'émission pour tout savoir sur la périnatalité. Et à 11h, Danny Janvier, notre vedette locale et radiophonique, anime le dîner de con de 11h à 13h. Soyez à l'écoute. Simon va être là pour sa chronique Le Scout des Internets aussi. Là. Oui. Pas de raison de pas écouter ça, cette affaire-là. On veut que tu chantes, on veut que tu chantes. Scud des internets, scud des internets. C'est bon. C'est comme notre petite routine du jeudi. C'est vrai. Hein? On a pas assez de petits running gags dans cette émission-là. Ça. Effectivement. Ça manque. Les nouvelles de Radio-Canada s'en viennent. Passez une excellente fin de semaine. Et Radio-Canada, ça ne prend que 4 syllabes. Radio-Canada, il y en a 5. Faut les prononcer non. Toute la gang, sinon tu comprends pas vraiment. Radio-Canada. Radio-Canada. Bye. Ah, bye. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.